et si l'honnête homme avait détenu l'indispensable revolver. Le chien est un pitre qui fait le jacques pendant des heures pour avoir du sucre. C'est un lâche qui étranglerait un bébé sur le moindre signe de sa fripouille de patron. Dans tout chien, il y a un fauve. Mais un fauve idiot qui, sans l'excusable besoin d'une proie personnelle, fait du mal pour la quelconque lubie d'un tiers. Le chien est lécheur, il lèche tout. Il lèche la main qui lui donne un morceau de pain. Il lèche la botte qui vient de lui défoncer trois côtes. Il lèche bien d'autres choses, le cochon, et bien d'autres choses encore, le salaud. Le chien a un instinct épatant, mais une âme de boue. Oh, quelle différence avec le chat, avec l'admirable chat. Je sais par cœur tous les vers que les poètes ont faits sur les chats, les vers de Gautier, de Baudelaire, de Rollina, et même tout le délicieux volume que leur consacra notre bon Raoul Gineste. Ah, les chats! J'aime leur allure harmonieuse, forte, câline et souple. J'aime leurs attitudes de mystère et de fierté. Essayez de les frapper, cela, même en jouant, et vous verrez quel croc surgit et quelle griffe. Ah, les chats! En voilà qui en remontrerait à Maurice Barrès pour l'individualisme et la culture du moi. Mais non, il est généralement convenu que le chien est un bon toutou, et le chat, à peu d'exceptions près, une sale bête. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, mon excellent ami le vicomte, bride abattue, se refusait farouchement à partager mon horreur du chien. Le chien, disait-il, avait du bon, beaucoup de bon. Pour sa part, il était heureux de posséder Médor, un excellent terre-neuve qui avait vu naître son enfant, le petit Henri, et pour lequel Henri, Médor se serait fait hacher menu. Quand Médor est auprès d'Henri, je suis tranquille, aussi tranquille que si j'avais Henri dans mes bras. Oh. Or, savez-vous ce qui arriva la semaine dernière dans la vaste propriété que possède mon ami le vicomte Bride abattu sur la Côte d'Azur? Non. Eh bien, je vais vous le dire. On avait donné au jeune Henri, 3 ans et demi, déjà très assoiffé de sport, une petite voiture et un petit harnachement, le tout destiné à son véhiculage par l'excellent Médor. Médor fut enchanté de cette combinaison. Peu de chevaux, et non des moindres, se seraient aussi correctement comportés. Oui, mais un jour que Médor trimbalait Henri dans sa petite voiture, sur un chemin longeant une rivière, il arriva qu'un jeune ramoneur piémontais eut l'idée de faire une pleine eau dans la dite rivière. Le Terre-Neuve, n'écoutant que son atavique instinct, ne balança pas une seconde. Il se jeta à l'eau, lui, son attelage et le jeune Henri. Et cet imbécile de chien, pour sauver un Savoyard qu'il n'avait jamais vu de sa vie et qui d'ailleurs ne courait aucun danger, n'hésitait pas à noyer l'enfant confié à sa garde. Autre histoire pour corroborer mon dire. Un monsieur marié se promenant un matin avec son chien, une bête forte, intelligente, à laquelle il tenait comme à ses prunelles, rencontra une jeune femme très séduisante et d'abord facile. Si facile que, 5 minutes après la rencontre, le monsieur marié et la drôlesse se préparaient à entrer dans le domicile d'Issel. Tom avait suivi le couple luxurieux. Mais la dame refusa l'entrée de ses appartements au toutou. « Qu'à cela ne tienne, » fit le monsieur. Et d'un grand coup de pied dans le derrière, il intima au chien l'ordre de regagner sa demeure. Tom s'éloigna. Une demi-heure s'était à peine écoulée que retentissait un léger grattement contre l'huisse de la courtisane. « Laisse-le tout de même entrer !» implora le monsieur. Et il ouvrit la porte lui-même. C'était en effet le bon Tom qui se trouvait là, le bon Totom, mais pas seul. Le bon Tom était flanqué de la femme, du mari adultère et de monsieur le commissaire de police du quartier. Tenace à son vieux renom de fidélité, Tom éprouvait la plus âpre horreur pour toute espèce de trahison, même la conjugale. Et il venait de mettre en pratique ses principes héréditaires. Mais pourrait-on objecter par quel ingénieux procédé Tom avait-il pu décider l'homme de police à se déranger? Sans doute, il avait pris comme interprète son propre collègue, le chien du commissaire. Ce qui prouve une fois de plus qu'on est trahi que par les chiens. Le scandale de demain. Par cette époque où trône la pseudo-imitation de simili faux strass, l'homme de bonne foi, j'entends de réelle bonne foi, étreint en ses mains brûlantes son crâne prêt à éclater et murmure abattu « Où s'arrêtera l'audace des contrefacteurs ?» Je puis lui dire, moi, à cet être loyal, où elle s'arrêtera l'audace des contrefacteurs. Elle est bien décidée à ne s'arrêter jamais, et elle ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais. Les hommes de réelle bonne foi n'ont qu'à porter le deuil de leurs espérances. Le scandale que je dévoile en les lignes ci-dessous, et dont toute la presse s'occupera demain, va montrer quel sommet peut atteindre le toupet et l'ingéniosité des fraudeurs. Pour ne pas faire moisir les charmantes jeunes femmes qui me font l'honneur de me lire, disons tout de suite que la police vient de découvrir à Paris l'existence de 4 gares clandestines. Pour les personnes qui n'auraient pas bien entendu, je répète, la police vient de découvrir à Paris l'existence de 4 gares clandestines. 4 gares clandestines, vous avez bien lu, et qui correspondent chacune à une ligne secrète de chemin de fer. La découverte de ce fait vraiment particulier mérite d'être comptée par le menu. Depuis assez longtemps, les compagnies de chemin de fer s'apercevaient d'une baisse assez sérieuse dans leurs recettes, baisse que rien ne semblait justifier. Une enquête, menée de la façon la plus intelligente, n'amena à aucun résultat. L'économiste Paul Leroy-Beaulieu, consulté à ce sujet, écrivit un volumineux rapport dont la conclusion, bien personnelle, était la suivante. La baisse dans les recettes des compagnies doit correspondre à une diminution dans le nombre de voyageurs ou de marchandises transportées. Les choses en étaient là quand, un jour, l'inspecteur de la sûreté, Fauvette, attablé chez un mastroquet de la rue de Flandre, observa des faits qui lui parurent éminemment louches. Sur le coup de 6h30 ou 7h du soir, des clients, en assez grande quantité, pénétraient chez le mastroquet. Ils se dirigeaient vers une salle située dans le fond du débit. Tout le monde entrait, et personne ne sortait. Quelques centaines de personnes s'introduisirent ainsi et ne sortirent point. Et d'autres centaines encore, et puis des milliers. Ayant payé sa consommation d'abord, et d'audace ensuite, l'argent prit le même chemin que tous ces mystérieux personnages. Dans un coin de la salle du fond se spiralisait un escalier de 300 et quelques marches qui vous conduisait au sein d'une cave, d'une immense cave puissamment éclairée à l'électricité. Dans cette cave, la locomotive d'un train en partance haletait rythmiquement. Le policier n'eut que le temps de se jeter dans un wagon. Une demi-heure après, il débarquait dans une autre cave, la cave d'un mastroquet de Maison Lafitte. Sa religion était éclairée. Nul doute désormais. Une semaine ne s'écoula pas sans qu'on eût mis la main sur la vaste trame d'une entreprise encore inconnue dans l'histoire de la fraude. D'importantes arrestations ont été opérées, hier. On parle d'anciens hauts fonctionnaires des compagnies, récemment destitués, et qui se seraient mis à la tête de cette incroyable et peu délicate concurrence. D'ailleurs, tout le personnel de ces chemins de fer clandestins serait, paraît-il, recruté parmi les employés, mécaniciens, etc., révoqués des compagnies. On s'attend à des révélations piquantes. L'or anglais ne serait pas étranger à l'affaire. À bientôt des détails circonstanciés. Dernière heure. On vient de découvrir dans le grenier d'un marchand de grains du Vésinet les 12 locomotives dont la disparition avait fait si grand bruit la semaine dernière à la gare du Nord. Utilisation de la tour Eiffel pour 1900. Au risque de faire beaucoup de chagrin à Maurice Barrès, les pouvoirs publics semblent disposés à exécuter une exposition universelle en l'an 1900. Je n'apprendrai rien à personne en ajoutant que ces magnifiques joutes de l'industrie internationale tiendront leurs assises dans les quartiers du Champ de Mars, du Trocadéro et des Champs-Élysées. On ira même jusqu'à démolir, pleurez mes yeux, cette merveille de grâce et d'aménagement qui s'appelle le palais de l'industrie. La question de la suppression de la tour Eiffel fut un instant agitée en haut lieu. Peut-être même ce haut lieu n'était-il autre que la propre troisième plateforme de la dite tour. On discuta longtemps, paraît-il. Finalement, sur la réflexion d'un judicieux esprit que, le conseil de la Légion d'honneur ayant laissé sa rosette à M. Eiffel, on pouvait bien conserver sa tour, on décida de ne point déboulonner encore le métallique édifice. Apprenant cette résolution, mon ami le capitaine Cap sourit dans ses longues moustaches, vida d'un trait le gobelet qui se trouvait à sa portée et dit « J'ai une idée ». Le contraire m'eût étonné, Cap. Une idée pour rendre utile cette stupide tour qui fut, en 1889, une utile démonstration industrielle, mais qui est devenue si parfaitement oiseuse. Et puis, on l'a assez vue, la tour Eiffel. On l'a trop vue. Conservons-la, soit, mais donnons-lui un autre aspect. Si on l'a renversée la tête en bas, les pieds en l'air, c'est précisément à quoi j'ai pensé, mais mon idée ne s'arrête pas là. Votre idée, Cap, ne saurait point s'arrêter. Comme le temps, comme l'espace, elle ne connaît point de bornes. Merci, mon garçon. Donc, nous renversons la tour Eiffel et nous la plantons la tête en bas, les pattes en l'air. Puis, nous l'enveloppons d'une couche de magnifique, décorative et parfaitement imperméable céramique. Bravo, Cap. Et puis, quand j'ai obtenu un ensemble parfaitement étanche, j'établis des robinets dans le bas et je la remplis d'eau. D'eau, capitaine ? Quelle horreur ! Oui, d'eau. Bien entendu, avant cette opération, j'ai débarrassé la tour des constructions en bois et, en général, de toutes les matières organiques qui corromperaient mon eau. Devinez-vous maintenant ? Je devine ou je crois deviner que vous exposerez à l'admiration des foules un somptueux gobelet quadrangulaire de 300 mètres de haut. Un gobelet rempli de quoi ? Un gobelet rempli d'eau ? D'eau comment ? Je comprends. D'eau ferrugineuse ? Ah, Cap, vous êtes génial ! Oui, d'eau ferrugineuse et gratuite à la disposition de nos contemporains animiers. Au bout de quelques années, toute cette masse de fer, dissoute peu à peu dans l'eau des pluies, aura passé dans l'organisme des Parisiens, leur communiquant vigueur et santé. Et si au lieu d'eau, nous mettions du gin, Cap ? Du bon vieux gin ? Le capitaine me répondit sévèrement : « Le goût du gin ne va pas avec le goût du fer. » Un de mes amis qui est concierge. Comme je me trouvais de très bonne heure dans son quartier, j'eus l'idée de grimper à son altier cinquième étage et de serrer la main loyale de mon ami Chose. Mes appels, soit par voie de sonnette, soit par voie de heurts sur la porte, soit par voie d'indicibles et sympathiques clameurs, restèrent sans écho. Assurément, il n'y était pas. Mais comment expliquer l'absence de cet être si peu matinal et si peu découcheur ? Peut-être mort ? Pauvre garçon ! Oh non, je l'aurais su par sa belle-sœur ! Je redescendis les cinq étages, espérant trouver une explication chez la concierge. Précisément, et à ma grande surprise, Chose se trouvait dans la loge. Il y était, confortablement assis, en un vieux et ridicule fauteuil de tapisserie, et il lisait des journaux. Dès qu'il m'aperçut, la pourpre de la confusion s'épanouit sur sa face, et le timbre de la visible gêne voila son organe. Après les premières effusions, « Je descends chez toi, fis-je, et je ne t'ai pas trouvé. »« Naturellement, puisque je suis là. »« Et qui fais-tu, là ?»« Ce que j'y fais, que c'est moi qui suis concierge de la maison, maintenant. » De la part d'un joyeux farceur comme Brunetière, par exemple, ou Gaston Deschamps, j'aurais cru à une excellente plaisanterie. Mais venant de mon ami Chose, un des garçons les plus sérieux du 18e arrondissement, l'assertion me parut digne de créance. Il ne se fit pas prier, d'ailleurs, pour expliquer son étrange avatar. En proie à une gêne provisoire, Chose se trouvait en retard de 3 termes. Il commençait à s'accoutumer à cette situation, et même il se préparait, sans angoisse, à l'aggraver par un retard prochain de 4 termes, en attendant le mois d'avril, où il se trouverait en retard de 5, quand il reçut, vers le 15 décembre, la visite de son propriétaire. Cet homme aimable, mais fripouille, comme la plupart des industriels de sa sorte, lui apportait une proposition des plus avantageuses. « Vous me devez 3 termes, monsieur. Dans quelques semaines, vous m'en devrez 4. Je suis disposé à faire un exemple et à vous jeter sur le pavé avec les quelques vagues détritus personnels que la loi vous concède. Je dissiperai le reste aux 4 vents des enchères publiques. » Mon pauvre ami Chose pâlit à l'idée qu'on allait le séparer de ses bons livres, de ses petits bibelots, de ses belles gravures de Thornley. « Vous ne ferez pas cela ? » gémit-il. « Non, ricana le vampire, je me gênerais. » Devant la douleur réelle du pauvre garçon, le vieux vautour sembla se raviser. « Si vous tenez tant que ça à votre mobilier, je vous offre une petite combinaison. Oh, tout ce que vous voudrez. Je vais ce soir même renvoyer ma concierge qui me vole. Remplacez-la jusqu'au 8 janvier, jour du petit terme. Moi ? Concierge ? Pourquoi pas ? On doit tout supporter, plutôt que de faire tort d'un sou à son pauvre propriétaire. Donc, vous serez concierge. Rien de plus simple que d'apprendre la situation respective du logement des locataires. Monsieur un tel au premier à gauche, monsieur tel autre au 5e, au fond du corridor, etc., etc. Et puis, quand vous vous tromperiez, cela n'a aucun inconvénient. Les locataires ne sont pas des gens bien intéressants. Allons, consentez-vous ? Dame ! Voilà le 1er janvier qui arrive. Vous recevrez beaucoup d'argent à l'occasion des étrennes, et vous serez alors en mesure de me régler mon petit arriéré. » Chose accepta. Et voilà comment un brave garçon, pour conserver ses livres et ses Thornley, en arriva à tirer le cordon à des gens qui ne le valent certainement pas. Radicale proposition. Notre excellent confrère, M. Émile Gautier, qui est un poète, comme l'indique son nom de Gautier, et un savant, comme l'assure son prénom d'Émile, s'émerveillait l'autre matin dans le Figaro de la mirifique crinière, étant polychrome, dont s'échevellent les arbres des boulevards depuis cette débauche de serpentin de jeudi dernier, jour de la mi-carême, si mes souvenirs sont exacts. Comme poète, il admire. Comme homme sérieux, il déplore. Comme savant, il propose un remède. Certes, le remède que propose Émile Gautier est ingénieux, mais je le trouve insuffisant. On imposerait, d'après Gautier, aux marchands de serpentins une certaine composition de papier, pâte de bois et colle d'amidon, que la première averse pourrait réduire en une purée sans consistance et tout de suite disparue. Gautier n'y a pas pensé, mais rien n'empêcherait le gouvernement d'interdire de la même façon tous les confettis qui ne seraient pas de cette composition. Et même, comme on est exposé à en avaler quelques-uns, on pourrait les découper dans de minces pellicules de pâte pectorale. Malheureusement, le gouvernement dont nous jouissons pour l'instant a des tendances libertaires qui lui prohibent la moindre immixtion dans toute industrie, et principalement dans celle des frivolités carnavalesques. C'est dommage, parce que moi aussi j'avais une solution au problème, et une solution autrement élégante que celle de Gautier, et combien plus radicale. D'abord, moi, État, je m'octroierais le monopole des serpentins, confettis, spirales, petits balais et autres. Tous ces ustensiles seraient composés d'un papier spécial, qu'on pourrait appeler, si personne ne s'y oppose, du fulmi-papier. C'est assez dire que mon papier subirait la même préparation qu'on inflige au coton pour le transformer en fulmi-coton, trempage dans un mélange d'acide azotique et sulfurique, lavage, séchage, etc. Et dans la nuit qui suivrait le mardi gras ou la mi-carême, à l'heure où le dernier pochard vient de rentrer chez lui, on allumerait le tout. Ceux de nos lecteurs qui ont eu l'occasion, au cours de leur existence mouvementée, d'allumer 5 ou 6 kilos de fulmi-coton dans le creux de leurs mains, savent avec quelle promptitude s'opère la combustion. Le fulmi-coton a bien des défauts, mais on ne peut pas lui reprocher, quand il brûle, de brûler lentement. Je tenais à lui rendre ici cette justice. Il ne faudrait pas plus de 30 secondes pour que tout Paris fût déblayé du 1,5 million de kilos de papier multicolore qui l'encombre à chaque soir de Bacchanal Day. Le seul inconvénient de mon procédé gît dans le bris probable de toutes les vitres de la capitale. Et peut-être que les immeubles eux-mêmes suivraient l'exemple des simples vitres. Mais qu'importe la destruction de Paris si les gens graves sont satisfaits. Et les gens graves l'exigent. Pas de serpentin dans les arbres, ça n'a pas l'air sérieux.